Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver sur cette antenne pour une nouvelle Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Ce soir, on va se lâcher. On commencera cette émission avec Walk de Pantera, tiré de l'album Vulgar Display of Love, sorti en 1992. On retrouvait sur cet album, entre autres, Mouth of War, Hollow et Distove. On s'écoutera ensuite Evil Eye de Franz Ferdinand, extrait de leur double album Right Thought, Right Word, Right Action, enregistré le 28 octobre 2013. Je pense le meilleur album de Franz Ferdinand. On s'écoutera Feel Good des Gorillaz, tiré de l'album Demon Days, sorti en mai 2005, vendu à près de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. On poursuivra avec Payday d'Israel Vibration, dans l'album Strength of My Life, sorti en 1997. On pouvait y entendre Jail of Me, Don't Want Apartheid et Cool and Calm notamment. Et on finira ce bloc en live avec Noir Désir et À l'envers, à l'endroit, de leur album En public paru en 2005, le Miller Live des Noir Dez. Can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay. day going have to be payday. One day going have to be payday. Come in. Thank you. Almighty. Yeah. When I say wappy, I mean forward, ever, backward, never, I would say. Are you feeling Irish? Let it go right in. Let it go. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer le petit roi, le paquetier. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Ce que tu pourras devenir un crack pour si à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers, à l'endroit. Y'a-t-il un incendie prévu ce soir dans l'hémicycle? On dirait qu'il est temps pour nous d'envisager un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle voix dormant rompu les négociations. Unilatéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois de la boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin loin qu'on entrevoit? Spécial dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit. J'adore ce live de Norboz. On poursuivra cette soirée avec Good Time, Bad Time de Led Zeppelin, du premier album des Led Zepp sorti en 1969. Il a été enregistré en 36 heures pendant une tournée. Cet album sonne comme un live et il donnera la trame à la guitare de Jimmy Page et à la voix de Robert Plant. Sur cet album, on peut entendre Dazed and Confused, Communication Breakdown et Black Mountain Side entre autres. On continuera avec Les Shérifs et C'est pas ce qu'il nous faut, tiré de l'album Soleil de plomb, sorti en 1993. Sur cet album, il y avait aussi À la seule heure des missiles, Pas besoin de faire un dessin et beaucoup d'autres. Je diffuserai ensuite un bon gros Rammstein, I First Thought. C'est sur l'album Sehnsucht, sorti en 1997. Il montera en 76e place des ventes en 2005, soit 8 ans après sa sortie. Sur cet album, il y avait aussi Sehnsucht, Bestra für mich et Du hast. Du hast, que l'on retrouve dans la bande originale de Hawaii avec Method Man et Redman, sorti en 2001. Lors du réveil d'un des deux étudiants, un régal ce film. Je diffuserai ensuite Oui Oui et la voiture jaune de Ludwig von 88, tiré de l'album Oulala 2, La Mission, paru en 1987. On pouvait entendre sur cet album William Cramps, le tueur de boucher, Tuez-les tous, Monsieur Pif Paf, Spock Around the Clock, un merveilleux album, pas sérieux du tout. Et on finira ce bloc avec les Apaches et leur super reprise live d'Hélène et le sang des Bérus, sur un live qu'ils avaient sorti pour les 10 ans du groupe composé de 28 titres sortis en 2004. On pouvait entendre Le Pape Agitateur, Crache ton dégoût petit indien, et beaucoup de chansons sont en deux parties et non séparables, donc pas évident à passer en radio. Les beaucoup trop, les pas assez, les beaucoup trop. Pour la troisième fois. Perte d'adhérence aggravée par des pneus trop étroits. Like

On continuera cette belle soirée en musique avec France d'or d'OTH, tiré de l'album Réussite, paru en 1984. Un monument cet album, Euthanasie pour les vieux rockers, Requiem pour un démon, Les araignées ne dorment jamais et Le s'exprime notamment. Je diffuse ensuite Je ne veux pas rester sage de Dolly. D'ailleurs, Manu, l'ex-chanteuse de Dolly, sera en concert au Bucéphale de Draguignan le 14 novembre 2015 avec les Coupins des RM en première partie. Donc Manu sort un album, je diffuserai ses deux singles dans les prochaines émissions. Et puisqu'on est en train de parler de Manu, je diffuserai Pense à demain de Pat Kebra en duo avec Manu, extrait de l'album Électrosensible sorti en 2013. Pat Kebra aussi sort un album d'ici la fin de l'année, je vous tiendrai au courant. On continuera en live avec Nirvana et On a Plane, tiré du Live at Reading paru en 92. On retrouve Breed, Drain You, In Bloom, Smell Like Teen Spirit, version déglingue. Album qui est sorti bien après la mort de Cobain, à mon grand regret. Et on finira ce bloc avec Stop That Train de l'album Mama Africa, sorti en 83 de Peter Tosh. On retrouve Mama Africa, Glass House notamment, et Not Give It Up. Il existe une super version de Stop That Train en live par Réglisse, particulièrement difficile à trouver. Si vous l'avez, faites-moi signe. Sur la page Facebook Vampire Freaks, l'émission radio. Et promis, si vous l'avez, je vous la dédicace. prends ton mal en douceur. Yeah. some fall the ways. I see some stand aside just to try their best. And I say some living big, but for most they're living small. And they can't even find no food at all. I say, stop that train. On continuera cette belle émission avec No Trouble de Frustration sur l'EP Full of Sorrow paru en 2006. C'est un mini LP, 6 titres. On peut y entendre Blind, No Trouble, Full of Sorrow et entre autres un génial petit album. Tiens, une pépite, Dancing with Myself de Génération X, extrait de l'album Kiss Me Deadly paru en 1981. C'est le troisième et dernier album de Génération X. Par contre, le chanteur n'est autre que Billy Idol, qui fit une belle carrière solo, et vous reconnaîtrez facilement ce titre puisqu'il est utilisé en publicité. On continuera avec Paradise de la Dubbing en live à l'Olympia, sorti cette année, un super concert en double album. Puisqu'on sera au paradis, on ira au Pimper Paradise de Bob Marley and the Wailers, extrait de l'album You Praising, paru en 1980. On peut entendre Coming In From the Cold, Bad Card, We and Them, entre autres. C'est le huitième et dernier album de Bob, et on finira ce bloc avec Teacup Monster et Heartbeat de leur EP Time to Change, sorti en 2013. Un super maxi CD des 6 titres, on peut y quitter Rain in Me, Alive et Time to Change. We'll be right back.

yourself up. It's hard, hard, hard to find, to find, find your heartbeat. On poursuivra en musique avec les Clash en live, avec Train in Vain, de l'excellent live à Paris en 1980. On fera un détour en Bretagne avec Mat Mata et le titre Les Moutons, extrait de leur album La Wash. C'est le premier album de Mat Mata, paru en 1998, écoulé à plus de 800 000 exemplaires. On peut y entendre La Bendro, L'Apologie, Emma et plein d'autres. J'ai envie de dédicacer un morceau à un breton en exil au Québec, Adrien, originaire de Brest. Alors pour toi, La Jument de Michau, en live, c'est un grand classique du chant breton. Courage à toi, Adrien le bonnet rouge, là-bas. C'est Trian, c'est leur guitariste soliste que j'adore, enfin surtout qui m'énerve. C'est un petit bonhomme plein de nerfs avec un jeu infernal. Ben, puisqu'on est dans les dédicaces, je dédicace Rastaman de Bunny Wailer à Anja qui nous écoute à Tanarive à Madagascar. Il anime une émission Culture Rock à la Radio Campus de Tanarive. Bis à toi et merci de nous écouter là-bas. On finira ce bloc avec Stupéflip et Apocalypse 894 tiré de l'album Hypnoflip Invasion. Paru en 2011, cet album est super difficile à diffuser en radio. C'est un concept album où les chansons se suivent et s'enchaînent de façon plus ou moins logique. On retrouve Stupéflip Vite, Haters Killers, Sinat Pibouin, Dark Warriors entre autres, mais super difficile à passer en radio.

manger dans le bichon, sans petit poulain. Avancer dans le pré, à manger tout le foin. Nager dans le bichon, et sans petit poulain. Avancer dans le pré, manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de bichon, elle s'en va. Jean dans le loup, le nanar chanté à vous. C'est dans un an, je m'en irai. La jument de Michaud, avancez dans le pré. La jument de Michaud, sans belle moulin. Avancez dans le pré, à manger tout le foin. La jument de Michaud, sans belle moulin. Avancez dans le pré, avancez dans le foin. Viens, viens, viens, viens, la jument de Michaud, elle s'en rendra. Viens, viens, viens, viens, viens, la jument de Michaud, elle s'en rendra. Tu zona, reste zen. Arrête de t'en foutre dans zen. Stup, c'est de la drogue, va l'écrire dans ton magazine. C'est comme Materazzi et Zinedine. Et je te shoot dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines. I don't know if you realize.